C'est l'heure d'Histoire vivante. Je laisse la place à Jean Leclerc. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la Première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Histoire vivante, cette semaine, l'Amérique comme cible. It is a historic turning point of great significance for all peace-loving nations. Personnellement, je suis prêt à abandonner tout ce qu'on a construit là pour essayer la paix. La diplomatie américaine, des accords de Camp David à Sabra-e-Shatila. Well, we know that this mad dog of the Middle East has a goal. Nous savons que ce chien enragé du Proche-Orient a pour but la révolution fondamentaliste islamique mondiale. Troisième rendez-vous de cette semaine consacré à l'Amérique comme cible. Cible des forces terroristes avec l'évolution de sa diplomatie internationale. Nous sommes aujourd'hui en 1981. Ronald Reagan, après avoir posé aux électeurs la question suivante, êtes-vous plus heureux aujourd'hui qu'il y a 4 ans, même si on vous le demandait à vous, hein, c'est pas sûr de la réponse, est devenu donc le 40e président des États-Unis, battant assez nettement Jimmy Carter, l'homme des accords de Camp David, mais aussi le président qui n'a pas réussi à faire libérer ses otages en Iran. Un virage radical sur le plan diplomatique va marquer ce changement de pouvoir. L'Amérique qui se cherche depuis la fin du Vietnam et le Watergate va octer puissamment et revenir en force en tête du jeu international en développant un programme intitulé « Guerre des étoiles ». Le film fait un carton dans les salles, le monde retient son souffle pour que le carton ne passe pas du virtuel à la réalité. Chapitre 1. Dans la série Changement de cap, barre à tribord, toute. Par la bouche de son nouveau secrétaire d'État à la Défense, Alexander Haig, ce nouveau gouvernement annonce la couleur concernant le Moyen-Orient. Le premier acte de notre politique des droits de l'homme sera la lutte contre le terrorisme, contre ceux qui le pratiquent, ceux qui l'encouragent et ceux qui le financent, car le terrorisme est la menace ultime et première qui pèse sur les droits de l'homme. Cet avertissement a sans doute été le point le plus marquant de la première conférence de presse qu'ait donnée le général Haig depuis qu'il a été confirmé dans ses fonctions de secrétaire d'État. Pour ce qui est du Moyen-Orient, le secrétaire d'État a le mieux résumé sans doute sa future diplomatie en disant qu'il n'y avait pas urgence à reprendre le processus de paix entre Israël et ses voisins. Et à ceux qui en doutaient, il a indiqué sans ambiguïté qu'il était exclu que les États-Unis reprennent leur livraison de matériel militaire à l'Iran, y compris le matériel que ce dernier avait déjà commandé. D'autres pays cherchent à s'affirmer au cours de la même période. Le Maroc s'empare du Sahara occidental, libéré de la colonisation espagnole, mais se heurte à l'opposition du Front Polisario, mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie. L'Afrique du Sud, de son côté, entretient des guérillas anticommunistes actives en Angola ou encore au Mozambique. Quant à la Libye du colonel Kadhafi, elle tente de profiter de la guerre civile au Tchad pour y développer son influence en soutenant les populations musulmanes. Il s'agit, vous allez l'entendre, d'un envoi international et apparemment, en cette période déjà, l'international a quelques hoquets. Alors, je vous envoie maintenant une bande qui date du 19 janvier 79 et qui concerne le Tchad. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Monsieur le Président ? La Libye est profondément africaine et entend jouer un rôle dans la politique interafricaine. Je commencerai tout d'abord par le Tchad. Nous savons que la Libye porte énormément d'attention à la question tchadienne et je crois que vous hébergez le monsieur Kougouni. La Kougouni, bonjour, Faya. Non, Kougouni se trouve à Faya. Ah, elle ne se trouve pas en territoire libyen. Non, il ne se trouve en Libye que lorsqu'il peut entreprendre une visite, comme il visite d'autres pays. Ah bon. J'ai rencontré lors de mon précédent séjour à Tripoli le vice-président du Conseil national. Il m'a informé du désir de Kougouni de rallier le gouvernement Hissène Habré. C'est son problème, il est libre. Le gouvernement libyen accepterait volontiers, encouragerait peut-être même un rapprochement entre Kougouni et Hissène Habré. نحن لسنا طرف في هذا نحن لسنا pas partis dans cette هم الاثنين تشاديين هم اقرب بعض sont deux ils sont les deux tchadiens ils sont plus proches l'un de l'autre نحن اذا كنا طرف طرف المصالح الوطنيه si on peut intervenir on interviendra qu'à titre de la réconciliation nationale au Tchad parce que le vice-président du conseil de la révolution tchadienne faisait état de cette volonté de Kogouni de rallier le gouvernement en place actuellement au Tchad et considérait qu'il s'agissait d'une trahison et entendait continuer la lutte. Quelle serait la position de la Libye dans ce cas ? لا هذا كلها مسائل تخص التشاديين يعني هم فيما بينهم ممكن يقولوا هذه خيانة أو جانب آخر يراها مصالحة ولكن هي في النهاية تخصها. En définitive, c'est des problèmes qui les regardent les Tchadiens. Ils peuvent dire, ils peuvent juger comme ils veulent, ils peuvent dire par exemple que c'est une trahison, mais ça les regarde. Le président Kadhafi est décidément un homme fort laconique. Chapitre 2. On rajeunit de 30 ans. Monsieur le colonel Muammar el-Kadhafi prend le pouvoir à Tripoli. Bah oui, on n'a rien sans rien. Quand une partie du monde est passée du capitalisme au marxisme, elle a bougé mais non changé. Face à ces systèmes, nous nous efforçons de trouver une troisième voie, car si le capitalisme, en lâchant la bride à l'individu sans la moindre limitation, a transformé la société en un véritable cirque, la prétention du communisme à trouver une solution au problème économique par la suppression totale et définitive de la propriété privée finit, elle, par transformer les individus en moutons. Dans le deuxième cas, c'est le parti communiste qui détient tout le pouvoir et toute la richesse, exactement de la même manière que la classe capitaliste de son côté les accapare dans la société capitaliste. Muammar el-Kadhafi. Quelques jours à peine après sa prise du pouvoir et l'instauration de la République arabe libyenne, le leader de la Révolution verte énonçait les cinq principes de son action gouvernementale. Premièrement, évacuation complète des bases étrangères. Deuxièmement, neutralité positive absolue. Troisièmement, unité nationale. Quatrièmement, unité arabe globale. Cinquièmement, suppression des partis politiques. Ce dernier principe était assorti de mesures catégoriques, peine d'emprisonnement prévue, pour toute personne parlant de communisme, de marxisme ou d'athéisme, ainsi que pour toute personne ayant entrepris une activité secrète qui pourrait être considérée comme subversive et contre-révolutionnaire. Traduction en langage vulgaire, en rang par deux, je ne veux voir qu'une seule tête. Un an plus tard, Momo présente son boulot. Salaire minimal doublé. Nombreux projets de développement industriel et agricole. Réorganisation de l'administration. Distribution des titres de propriété. Évacuation des bases étrangères. Nationalisation des banques et des compagnies de vente de produits pétroliers. Esso, Shell, Eni, Petroliva, hop, nationalisé. Relèvement des prix du pétrole. Eh oui, officiellement, Momo est un saint. Les énormes ressources naturelles de la Libye doivent être mises au service de la Jama'iriya, la communauté, autrement dit la République, incarnation de cette troisième théorie universelle, écrite et imaginée par Kadhafi, dont l'objectif final est de réaliser l'unité politique de la nation arabe. Saint Momo va donc lutter contre l'engraissement des parvenus qui, à l'image de nombreux manias du pétrole, se laissent complètement corrompre par l'American Way of Life. Fini la barbarie et la décadence, en route pour la purification. À mon sens, je le répète, la chose la plus grave est l'aliénation des esprits. Il y a un danger infiniment plus important que tout ce qui pourrait frapper l'homme de l'extérieur. C'est comme si on avait déposé dans ses entrailles une bombe qui, en explosant, le détruirait entièrement. Alors que si on m'attaque avec un couteau à la main, j'aurai au moins une possibilité de me défendre et de faire face. Muammar el-Kadhafi. Ben oui, ceci est frappé au coin du bon sens. On se demande même pourquoi ça n'a pas été inventé plus tôt. Saint Momo va donc prôner la troisième théorie universelle. Son but ultime, l'établissement d'une nouvelle ère qui verra le peuple seul détenteur du pouvoir, de la richesse et des armes. Admirateurs de Bob Dylan, ils ont aligné les succès dans les années 70. Tom Petty and the Heartbreakers resteront aux USA une icône de la musique de ces années-là. Refugee est certainement un de leurs plus grands succès. We get something, we both know it, we don't talk too much about it. Ain't no real big secret all the same, somehow we get around it. Le plus grand ennemi des états parfaits, le monde extérieur. L'avion de chasse le plus perfectionné de l'US Air Force en cette année 1981 est le F-14. Envergure 11,65 m. Longueur 19,10 m. Hauteur 4,88 m. Moteur 2 turboréacteurs à double flux General Electric. Poids maximum au décollage 32 724 kg. Vitesse en palier, 1997 km/h. Rayon d'action, 2965 km. Le 19 août 1981, au large des côtes libyennes, deux avions de chasse américains du type F-14 abattent à l'aube deux avions militaires libyens. Tripoli, qui a opté pour la vocation saint et martyr, affirme que ce ne sont pas deux, mais huit chasseurs américains. Les Américains affirment que ce sont les Libyens qui ont commencé les premiers. Les autres affirment pas du tout. Nouveau réveil en gueule de bois pour le reste de la planète. Serait-on reparti pour une derdéder? Le premier commentaire en ce 19 août 1981 arrive par la voix de Jean-Claude Buffle depuis Washington. Les autorités américaines ne donnent pas l'impression de considérer l'incident aérien américano-libyen comme une crise majeure. Pour le moins, ils ne semblent pas les avoir prises au dépourvu et le fait même qu'il ait été occasionné par des manœuvres navales organisées dans une zone revendiquée par la Libye incline plus un observateur à y voir un défi délibérément lancé à Kadhafi. Mais pourquoi et comment insérer cet incident dans la stratégie diplomatique américaine qui vise effectivement à isoler le président libyen et si possible à déstabiliser son régime? Il est plus facile de répondre à la première de ces questions qu'à la seconde. Ce combat aérien semble en effet apporter aux États-Unis un certain nombre de bénéfices politiques à court terme. C'est d'abord pour eux une façon de reprendre l'initiative sur le plan international, de montrer ensuite, après l'ère aboulique de Jimmy Carter, qu'ils n'ont plus peur de recourir à la force, et c'est enfin remporter à bon compte leur première victoire militaire depuis longtemps, si tant est que la victoire d'une équipe de Ligue nationale sur un club de deuxième ligue ait une quelconque signification. Mais il en a en tout cas pour les Américains qui effectivement se sont vus humiliés en Iran par un pays dont les forces armées étaient en complet désarroi. Mais quant à favoriser la chute de Kadhafi, l'incident de ce matin aura plus de peine à le faire. La Libye, de son côté, considère comme il se doit la chose avec la plus grande indignation, réaffirme que si on lui cherche des noises, elle se défendra jusqu'au dernier, avec les angles s'il le faut, mais, la réaction libyenne ne va pas plus loin. On aurait pu s'attendre à des jérémiades infiniment plus importantes, auprès de l'ONU par exemple, que Nini. Christiane Berthaume, habillée de son délicieux accent québécois, nous explique pourquoi et nous en restons quoi. Un vent de paranoïa souffle en effet dans le pays, dont les étrangers font les frais. Les fouilles à l'arrivée sont plus intenses sur eux que sur les Libyens. Car, contrairement à ce qu'on croit à l'étranger, le leader libyen n'a pas à craindre une population qui lui est reconnaissante d'avoir redistribué les richesses pétrolières du pays en fournissant gratuitement logements, éducation, soins médicaux, un travail à tous avec un salaire décent. En fait, l'attaque d'aujourd'hui va rendre encore plus délicate la situation des 2000 Américains travaillant dans le domaine pétrolier. Car, contrairement à ce qu'affirme le département d'État américain, ils ne se sont jamais sentis en danger. Le numéro 2 du régime, le colonel Jalloul, leur a donné toutes les assurances nécessaires. Bref, les Américains en veulent à leur administration. Ils reprochent entre autres à Washington d'avoir fermé l'ambassade à Tripoli sans rompre les liens diplomatiques. Par conséquent, aucune autre ambassade ne peut s'occuper de leurs intérêts. Ils sont laissés à eux-mêmes. Voir dans cela un moyen de pression pour pousser les compagnies américaines à quitter et affaiblir ainsi considérablement l'économie libyenne est un pas vite franchi. Le surplus de pétrole sur le marché mondial ne contribue pas à améliorer le climat. Rien n'indique que les autorités libyennes ne voient qu'une coïncidence dans la décision des compagnies américaines d'interrompre la production pétrolière et les pressions de Washington. De leur côté, les diplomates occidentaux en poste à Tripoli craignent que la politique américaine obtienne exactement le contraire de l'effet cherché. Autrement dit, cette dernière peut très bien pousser davantage le colonel Kadhafi dans les bras des Soviétiques ou encore inciter le monde arabe à faire front commun derrière lui. Chapitre 4. Mais quel homme se cache derrière ces éternelles lunettes fumées ? En 1984, trois hommes rencontrent le colonel Kadhafi, trois journalistes, un Africain, Hamid Barada, un Américain, Mark Whitaker, et un Français, Marc Kravetz. Suivra un ouvrage qu'ils signeront ensemble, intitulé « Je suis un opposant à l'échelon mondial ». Mark Kravetz se trouve dans les murs de la maison. Le 30 mai 1984, il répond à Pascal Guignard. Finalement, l'image de Kadhafi, c'est quoi ? C'est un Khomeini arabe, c'est l'autre bout du fanatisme islamique. Enfin, c'est un peu ça l'idée reçue. Or, dans cette partie de l'interview, le colonel Kadhafi est parfaitement sincère, traduit le fond de sa pensée, et cette pensée est très hétérodoxe par rapport à tout ce qu'on entend à son propos et tout ce qu'on entend ou ce qu'on voit dans l'extrémisme islamique actuel. En gros, Kadhafi dit, et ce n'est quand même pas la moindre des choses, eh bien, Khomeini, c'est très bien en tant que révolution anti-impérialiste, anti-américaine, en tant que libération de son pays, mais alors, du point de vue de l'islam, zéro. Khomeini n'a pas le droit de se réclamer de l'islam pour tous ses actes politiques, et d'ailleurs, aucune société, aucun État, aucun régime, aucun mouvement n'a le droit de se réclamer de l'islam, n'a le droit de transformer l'islam à la sauce humaine, de séculariser l'islam d'une certaine façon. Et il dénie l'existence d'un État islamique, d'une loi islamique, d'une république islamique. Il dit l'islam, c'est purement et simplement le Coran. L'islam, c'est la parole révélée de Dieu. Ça concerne la conduite spirituelle des hommes. Tout ce qui se fait sur Terre est de l'ordre temporel et les hommes doivent en répondre dans l'ordre temporel. C'est presque une définition de la laïcité en pays d'islam et ceci, je crois, est assez novateur, je dirais presque révolutionnaire. Parmi les grands projets initiaux de Mohamed Kadhafi, il y a le souhait de réaliser une vaste union du monde arabe, héritage des rêves du colonel Nasser. Mais cet objectif est au cours des années 80 passablement à l'arrêt. Marc Kravetz nous donne l'explication de Kadhafi. Alors, il ne l'explique pas, il le constate. Il le constate avec beaucoup de pessimisme. En fait, Kadhafi dresse, à propos de Kadhafi, un véritable constat d'échec. Toutes ses unions avec les pays arabes ont échoué. Toutes ses tentatives de dynamiser l'Afrique, d'islamiser l'Afrique, bien qu'il nie ce terme, ont échoué également. Et finalement, je pense que Kadhafi est en train de faire un bilan très triste de cette nation arabe dont il rêve l'union, dont il pense qu'elle est une véritable nation et dont il voit chaque jour s'éloigner la perspective, au profit des micro-régionalismes, au profit des particularismes, qu'ils soient séoudiens, syriens, irakiens et peut-être même libyens. Et en tout cas, Kadhafi consacre d'une certaine façon la défaite de son grand rêve, de ce qui a probablement inspiré son action depuis sa prise du pouvoir en 1970. Il n'est pas et il ne sera pas le nouveau Gamal Abdel Nasser du monde arabe. Eh oui, Momo, le grand auteur de la troisième théorie universelle, a eu à se colter avec le réel. Et quand le réel est là, bah vous le savez, tout va pas forcément comme on voudrait. Il y a, comme qui dirait, de la résistance. Changement de registre. Quelques jours après Noël 1985, deux attentats à la bombe ont lieu dans les aéroports de Rome et de Vienne. Ces attentats font 20 morts, dont 5 Américains et 110 blessés. C'est plus qu'il n'en faut pour conduire le gouvernement Reagan à envisager des actions de représailles. Vers la fin mars 1986, les Américains envoient des navires de guerre flotter en face des côtes libyennes, à la limite des eaux internationales et de celles revendiquées par la Libye. Les Soviétiques protestent en invoquant une provocation manifeste du côté américain. Momo, lui, de son côté, se fend d'un télégramme qu'il adresse au commandant de la 6e flotte, qui commence sérieusement à lui boucher la vue. Si les actes d'agression contre la Libye ne cessent pas, nous serons obligés de détruire le porte-avions. Stop. Ce faisant, nous aurons le soutien politique et militaire des pays du monde. Stop. Restez en paix. Vous partirez en paix. Stop. Sincère salutation. Stop. Les Américains ne bronchent pas et laissent leur navire à la même place. En pleine nuit, un patrouilleur porte-missile libyen est détecté se dirigeant à grande vitesse vers les Américains. Il est aussitôt attaqué et coulé par ceux-ci. En représailles, 6 missiles sont tirés par la Libye sur les avions américains. Le lendemain, sur les ondes de la radio romande, Jacqueline de Montmolin fait le point. À Washington, on qualifie de représailles admises et d'opération chirurgicale la riposte aux missiles libyens. Celle-ci est intervenue en deux temps, soit à 20h et peu après 21h suite. Il n'y a pas de perte du côté de l'armée américaine, représentée en force au large des côtes libyennes, tandis que deux patrouilleurs libyens ont été coulés et que la base de missiles de Sirte terre ferme a été atteinte. Dans la Maison-Blanche, que le Pentagone ont annoncé que les manœuvres continuent, elles ont pour but de réaffirmer le caractère international du golfe de Sirte et devraient durer jusqu'au 1er avril. Avertissement a été donné hier aux forces de Kadhafi que désormais toute approche des navires ou avions américains par les Libyens sera considérée comme un acte hostile et susceptible d'entraîner des représailles. Ce n'est pas le premier exercice militaire au large des côtes libyennes depuis le début de l'année, mais c'est la première fois que l'armée américaine a franchi la fameuse ligne au-delà de laquelle Kadhafi estime que les eaux sont celles de son pays. Les premières réactions aux représailles sont en général extrêmement favorables aux États-Unis, où depuis les attentats meurtriers de Vienne et de Rome, le soutien accordé au terrorisme par le régime libyen n'a cessé d'être dénoncé. Le 5 avril, à 2h du matin, des agents libyens posent une bombe dans une discothèque de Berlin-Ouest, régulièrement fréquentée par les forces américaines. Les services de renseignement américains affirment qu'ils n'ont pu prévenir à temps la police militaire. Résultat, 2 morts, 230 blessés. 5 jours après, Ronald Reagan s'adresse à son pays. Well, we know that this mad dog of the Middle East has a... Nous savons que ce chien enragé du Proche-Orient a pour but la révolution fondamentaliste islamique mondiale qui s'en prend à beaucoup de ses propres compatriotes, là où nous apparaissons. Peut-être parce que, comme le Mont Everest, nous sommes là. Il n'y a pas de doute qu'il nous a pris de plus en plus pour cible et nous en sommes conscients, nous rassemblant les informations aussi rapidement que possible. Ronald Reagan n'a donc pas mâché ses mots hier soir au cours d'une conférence de presse. Il a toutefois ajouté qu'il n'existait pour l'instant aucune preuve formelle d'une implication libyenne dans les récents attentats anti-américains. Le chef de la Maison Blanche a refusé de dire si les États-Unis préparaient une quelconque action de représailles contre le pays du colonel Kadhafi. Pour la chaîne de télévision CBS, qui cite une source bien placée à la Maison Blanche, Ronald Reagan aurait approuvé le principe d'une action de représailles militaire. Action de représailles militaire qui va être déclenchée 5 jours après cette conférence de presse sous le nom de code d'Eldorado Canyon. Ce que beaucoup redoutaient est donc arrivé dans le courant de cette nuit. L'aviation américaine a lancé toute une série d'attaques contre la Libye du colonel Kadhafi. Ce ne sont pas moins de 33 avions qui ont participé à l'opération. Pour l'heure, il est très difficile d'évaluer les dégâts, mais ils seraient très importants. Ce raid a été déclenché aux environs de 2h ce matin. Côté américain, peu de temps après le déclenchement des opérations, la nouvelle était confirmée par le porte-parole de la Maison-Blanche, Larry Speaks. Et une heure plus tard, c'était Ronald Reagan en personne qui apparaissait sur les écrans de la télévision américaine pour justifier cette action. Alors Philippe Mota, vous êtes en direct avec nous de Washington. De quelle manière le patron de la Maison-Blanche a-t-il justifié l'opération ? Eh bien écoutez, Ronald Reagan a justifié cette opération par la nécessité de réagir après les derniers actes terroristes qui ont touché des Américains et notamment l'attentat de Berlin-Ouest. Ronald Reagan a indiqué que les États-Unis avaient désormais les preuves irréfutables du rôle de Muammar Kadhafi dans la destruction le 5 avril dernier de la discothèque berlinoise La Belle. Il s'agissait, a-t-il dit, de répondre à la monstrueuse cruauté, c'est une citation, de Muammar Kadhafi, qui, a encore dit Ronald Reagan, avait cru que les États-Unis resteraient passifs, mais qui s'est trompé. Il semble que la plupart des avions qui ont participé au raid ont décollé de bases situées en Grande-Bretagne. Alors est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? Oui, à peu près la moitié. 33 avions donc ont été engagés dans ce raid. 18 sont partis d'Angleterre, c'est exact. Les 15 autres appareils, eux, étaient attachés à la 6e flotte américaine qui sont partis de 2 porte-avions de la 6e flotte, mais le gros du contingent des avions, effectivement, sont partis d'Angleterre. Il s'agit des F-111. Dans leur rapport sur le raid aérien Eldorado Canyon, les experts militaires américains estiment on pourrait se poser la question de savoir si le recours final à la force ne représente pas un échec de la diplomatie. Ce raisonnement ignore la nature même de la diplomatie de la canonnière qui est de, petit a, clairement exprimer la menace d'un recours à la force, petit b, s'assurer que cette menace est perçue et comprise, petit c, et finalement, si le pays cible n'adopte pas l'attitude souhaitée, agir avec suffisamment de force et de rapidité pour créer un fait accompli ne permettant pas au pays cible de réagir. On peut être expert militaire et avoir la vue courte. Reprise d'une chanson traditionnelle irakienne, Ilham El-Madfai interprète Routar. Routar, ce sont ces gens qui passent chez vous en visite, un peu par hasard.